Matt Houston. Hey, Mel, what's up? Hey, what's up, Joe? Hey, est-ce que l'agence est prête? Ouais, ça commence à être chaud, man. Yeah, fait que t'es ready pour le party, bro? Ouais, en autant qu'il y a des chicks pis un micro, man. Alright, sur la scène, nous attend. Fait que vous voulez savoir c'est quoi l'agence? C'est quoi l'agence? Ben la v'là, man. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je dis que yes, tu sèmes ça, inquiète pas, parce que c'est pas encore fini. Pis même si tu payes, tu sais que je t'en paye avec le rap, je me marie avec le mec, je démenise. Pas de la chute de profit avec un fille de Jay-Z. C'est ton idole, charge avec moi, je suis l'aide de base kick, yo, ça frappe du sous-sol. Les voix des chutes des tacs, pis les speakers d'école. J'en veux pas tes WhatsApp, tes big, big up. Je veux juste que tu comprennes son chat. T'as pas besoin de te sauver, pas je connais ton CV. Pis t'as rien savé, c'est pour ça que j'ai dit. Si t'aimes le party, le bon beat frappe tes mains. Si t'aimes les femmes, chaud la bière, frette, frappe tes mains. C'est le mettre au microphone et dans ta tête que ça sonne. C'est un test que je façonne à ma façon et comme personne. Avec les ondes, ça résonne. Deux interprétations qui performent dans un refrain uniforme. C'est avec un crayon que le papier je consomme. Collaboration avec Goujon, c'est sûr que ça met en forme une nouvelle dimension pour créer notre propre production. Drop la rédaction à la vitesse d'un canon. Jamais pousser ta chance jusqu'à l'overdose. Faut que t'as compris ça, je te propose. Festival lyrical en saison. Festival, je veux toutes les preuves fatales de Laval à Montréal. Réunis pour une soirée, assez garantie. Arroser plusieurs bouteilles de rhum et Bacardi. Du fun pour les MC, un blanc dans le VIP. 1, 2, 3, bouteille de tequila. 4, 5, 6, quête de Corona. 7, 8, 9, je veux le Sambuca. Pas 10, pas 10, yo, fais pas près j'y vois. 1, 2, 3, bouteille de tequila. 4, 5, 6, quête de Corona. 7, 8, 9, je veux le Sambuca. Pas 10, pas 10, yo, fais pas près j'y vois. Grosse soirée en vue, j'suis toujours prête pour l'alcool. Pas de line-up, j'suis vieille et j'rentre à la sexe. Bah, j'me pose au VC, au VC, j'suis pressé. On est tassé, y'a trop de monde pour pisser. Sur un beat B.I.G, j'm'accote au B.A.R. La barman est fucked up, j'vais te prendre une bière. Lève ton verre, dans les airs. Le party est commencé, flash, faut pas le défaire. J'ai ma boue dans les airs, puis mon poing sur le mic. Y'a des trucs de glow stick, y'a des bitches au blacklight. Fais pas t'assurer ici, reste pas assis. C'est en assez d'être ici, décoller sans taxi. Come on! Un autre shot de tequila, le texte qui est là. Y'a c'est nous qui est là. Chiqui chiqui da, j'ai pas des lalita. Dis-moi donc quel âge que t'as, si tu veux que j'parle en mille. On a pas d'ice-call, ça fait juste commencer. Fiesta, fiesta, pas question d'arrêter. Check it out, ass pour un tour night show. C'est ton idol mate pour un tour night show. Wise comme des mots, wise comme mes mots. Ice quand c'est chaud, pas besoin d'être refroidi. La canicule on l'a failli. Moi j'prends pas d'ici tant que whisky n'est pas fini. Mais moi je suis pour mon folie dans VIP. Mon des d'amis et martini, c'est après Munich. On est parti pour le party, c'est gratuit qu'on pop un vis. Avec ton nick on drink for free. Don't shake ton booty, faut qu'on shake la barre. On arrose les hoses qui nous proposent une pause. Qui porte toast à l'os, que là de ghost à l'eau. À cause à coke dans nos. Quand j'ai du blues, ça fausse. Puis quand j'trouve, ça hose. Des cotes, écoute, explose. Comme en écoute, j'm'impose, j'me colle le double dose. Tu me connais, fait que tu sais que pour moi c'est la même chose. 1, 2, 3, bouteille de tequila. 4, 5, 6, quête de Corona. 7, 8, 9, j'veux le Sambuca. Pas 10, pas 10, yo, fais pas près, j'y vois. Charles, mate, c'est l'agence, on s'en fout que ça en pense. Plus la soirée avance, plus le monde y pense. Après de foliance, l'ambiance est intense. Check sa piste de danse, y'a des checks dans tous les sens. Come on, bouge tes hanches sur le Bobby Fender. Come on, move ton body, it's time to party. Si tu trouves qu'on est nice, ben clap your hand twice. Si tu trouves qu'on est sick, pump up the music.